Exercice 2. Bienvenue à notre émission de Radio 4, parlons-en ensemble. Ce soir, nous allons parler d'un sujet bien connu du public, puisque c'est un phénomène quotidien. En effet, qui sont ces nouveaux papas qui jouent un rôle de plus en plus important dans l'éducation de leurs enfants? Qui prennent un peu, dit-on, la place de la mère et qui restent même parfois à la maison pour élever leurs enfants? Qu'est-ce qui se passe? La société devient-elle plus féminine ou nous trouvons-nous face à un nouveau type d'homme? Pour répondre à ces questions, je vous présente nos trois invités. Alors d'abord, je vous demande d'accueillir Monsieur...